début j'pensais pas à m'poser noyé dans le mal. J'suis content que t'es venu mais me trahis pas nanana. T'es pas comme toutes les autres, c'est ton attitude qui démarque. En vrai t'es comme moi. Les envieux c'est des gamins, faut pas calculer. Bébé j'suis ton pare-balles, sois mon ton carrève. Faut que tu sois fidèle dès le début. La base, fais les choses bien avant qu'il soit trop tard. Je ressens ce que j'ai jamais ressenti autre part. Pourtant je pensais l'avoir déjà vécu autrefois. T'es comme me, on se ressemble grave. Je ressens ce que j'ai jamais ressenti autre part. Quand je te vois, je suis en altitude. En altitude, j'ai pas l'habitude. Ouais, quand je te vois, je suis en altitude. En altitude, j'ai pas l'habitude. Au début, je pensais pas à me poser noyé dans le mal. J'suis content que t'es venu, mais me trahis pas, nanana. T'es pas comme toutes les autres, c'est ton attitude qui démarque. Là, j'suis en altitude. Au final, j'ai compris. T'es pas comme les autres, zéro nanani. On se comprend vite en fait, t'as embelli ma vie. J'aime trop quand tu te confies. Tu m'as douce, je te garde pour moi et ça je te l'ai promis. Prépare-toi à me rire, combattre toute la nuit sans se prendre la tête, ça va trop vite. J'ai le vertige mais je kiffe être à tes côtés. Je plane, j'ai pire qu'un joint de bœuf. Ton sourire m'a drogué, m'a drogué. Je ressens ce que j'ai jamais ressenti autre part. Pourtant je pensais l'avoir déjà vécu autrefois. T'es comme me, on se ressemble grave. Je ressens ce que j'ai jamais ressenti autre part. Quand je te vois, je suis en altitude. En altitude, j'ai pas l'habitude. Ouais, quand je te vois, je suis en altitude. En altitude, j'ai pas l'habitude. Au début, je pensais pas à me poser noyé dans le mal. Je suis content que t'es venu, mais me trahis pas, nanana. T'es pas comme toutes les autres, c'est ton attitude qui démarque. Là, je suis en altitude.